Daniel chapitre 11. Or, en la première année de Darius le Mède, j'assistais pour l'affermir et le fortifier. Et maintenant aussi je te ferai savoir la vérité, voici, il y aura encore trois rois en Perse, puis le quatrième possédera de grandes richesses par-dessus tous, et s'étant fortifié par ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Javan. Et un roi puissant se lèvera, et dominera avec une grande puissance, et fera selon sa volonté. Et sitôt qu'il sera en état, son royaume sera brisé, et partagé vers les quatre vents des cieux, et ne sera point pour sa race, ni selon la domination avec laquelle il aura dominé, car son royaume sera extirpé, et sera donné à d'autres, outre cela. Et le roi du Midi sera fort puissant, mais un des principaux chefs du roi de Javan, sera plus puissant que le roi du Midi, et dominera, et sa domination sera une grande domination. Et au bout de certaines années ils s'allieront, et la fille du roi du Midi, viendra vers le roi de l'Aquilon, pour redresser les affaires, mais elle ne retiendra point la force du bras, et ni elle, ni son bras, ne subsisteront point, mais elle sera livrée, et ceux aussi qui l'auront amenée, et celui qui sera né d'elle, et qui la fortifiait en ces temps-là. Mais le soutien du royaume du Midi, s'élèvera d'un rejeton des racines d'elle, et viendra à l'armée, et entrera dans les forteresses du roi de l'Aquilon, et il fera de grands exploits, et se fortifiera. Et même il emmènera captifs en Égypte leurs dieux, avec les vaisseaux de leurs aspersions, et avec leurs vaisseaux précieux d'argent et d'or, et il subsistera quelques années plus que le roi de l'Aquilon. Et le roi du Midi entrera dans son royaume, mais il s'en retournera en son pays. Mais les fils de celui-là entreront en guerre, et assembleront une multitude de grandes armées, puis l'un d'eux viendra certainement, et se répandra, et passera, il retournera, dis-je, et s'avancera en bataille jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Et le roi du Midi sera irrité, et sortira, et combattra contre lui, savoir, contre le roi de l'Aquilon, et il assemblera une grande multitude, et cette multitude sera livrée entre les mains du roi du Midi. Et après avoir défait cette multitude, il élèvera son cœur, et abattra des gens à milliers, mais il ne sera pas fortifié. Car le roi de l'Aquilon reviendra, et assemblera une plus grande multitude que la première, et au bout de quelque temps, savoir, de quelques années, il viendra certainement avec une grande armée, et un grand appareil. Et en ce temps-là plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et les hommes violents de ton peuple s'élèveront, afin de confirmer la vision, mais ils tomberont. Et le roi de l'Aquilon viendra, et fera des terrasses, et prendra les villes fortes, et les bras du Midi, ni son peuple d'élite, ne pourront point résister, car il n'y aura point de force pour résister. Et il fera de celui qui sera venu contre lui selon sa volonté, et il n'y aura personne qui tienne ferme devant lui, et il s'arrêtera au pays de noblesse, et il y aura consomption par sa force. Puis il tournera sa face pour entrer par force dans tout le royaume de celui-là, et ses affaires iront bien, et il fera de grands exploits, et il lui donnera une fille de femme, pour ruiner le royaume, mais cela ne tiendra point, et elle ne sera point pour lui. Puis il tournera sa face vers les îles, et en prendra plusieurs, mais un capitaine l'obligera de cesser l'opprobre qu'il faisait, et outre cela il fera retomber sur lui son opprobre. Puis il tournera un visage vers les forteresses de son pays, il heurtera, il sera renversé, et il ne sera plus trouvé. Et un autre sera établi en sa place, qui enverra l'exacteur pour la majesté royale, et il sera détruit dans peu de jours, mais non dans une rencontre, ni dans une bataille. Et en sa place il en sera établi un autre qui sera méprisé, auquel on ne donnera point l'honneur royal, mais il viendra en paix, et il occupera le royaume par des flatteries. Et les bras des grandes eaux seront engloutis par un déluge devant lui, et seront rompus, et il sera le chef d'un accord. Mais après les accords faits avec lui, il usera de tromperie, et il montera, et se renforcera avec peu de gens. Il entrera dans les lieux gras d'une province, alors paisible, et il fera des choses que ses pères, ni les pères de ses pères, n'ont point faites, il leur répandra le pillage, le butin et les richesses, et il formera des desseins contre les forteresses, et cela jusqu'à un certain temps. Puis il réveillera sa force et son cœur contre le roi du Midi, avec une grande armée, et le roi du Midi s'avancera en bataille avec une très grande et très forte armée, mais il ne subsistera point, parce qu'on formera des entreprises contre lui, et ceux qui mangent les mets de sa table le mettront en pièces, et son armée sera accablée comme d'un déluge, et beaucoup de gens tomberont blessés à mort. Et le cœur de ces deux rois sera adonné à s'entrenuire, et ils parleront en une même table avec tromperie, ce qui ne tournera point à bien, car il y aura encore une fin au temps ordonné. Après quoi il s'en retournera en son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance, et il fera de grands exploits, puis il retournera en son pays. Ensuite il retournera au temps préfixe, et il viendra contre le Midi, mais cette dernière expédition ne sera pas comme la précédente. Car les navires de Chittim viendront contre lui, dont il sera contristé, et il s'en retournera, et il sera irrité contre la Sainte Alliance, et fera de grands exploits, et retournera, et s'entendra avec les apostats de la Sainte Alliance. Et les forces seront de son côté, et on souillera le sanctuaire, qui est la forteresse, et on ôtera le sacrifice continuel, et on y mettra l'abomination qui causera la désolation. Et il fera pécher par flatterie, ceux qui se porteront méchamment dans l'Alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, se fortifiera, et fera de grands exploits. Et les plus intelligents d'entre le peuple, donneront instruction à plusieurs, et il y en aura qui tomberont par l'épée et par la flamme, ou qui seront en captivité et en proie durant plusieurs jours. Et lorsqu'ils tomberont ainsi, ils seront un peu secourus, mais plusieurs se joindront à eux sous un beau semblant. Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu'il y en ait d'entre eux qui soient rendus éprouvés, qui soient épurés, et qui soient blanchis, jusqu'au temps déterminé, car cela est encore pour un certain temps. Ce roi donc fera selon sa volonté, et s'enorgueillira, et s'élèvera par-dessus tout Dieu, il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux, et prospérera jusqu'à ce que l'indignation ait pris fin, car la détermination en a été faite. Et il ne se souciera point des dieux de ses pères, ni de l'amour des femmes, même il ne se souciera d'aucun dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais il honorera dans son lieu le dieu Mahuzim, il honorera, dis-je, avec de l'or et de l'argent, et des pierres précieuses, et des choses désirables, le dieu que ses pères n'ont point connu. Et il fera de grands exploits dans les forteresses les plus fortes, tenant le parti du dieu inconnu qu'il aura connu, il leur multipliera la gloire, et les fera dominer sur plusieurs, et leur partagera le pays à prix d'argent. Et au temps déterminé le roi du Midi, choquera avec lui de ses cornes, mais le roi de l'Aquilon se lèvera contre lui comme une tempête, avec des chariots et des gens de cheval, et avec plusieurs navires, et il entrera dans ses terres, et les inondera, et passera outre. Et il entrera au pays de noblesse, et plusieurs pays seront ruinés, mais ceux-ci réchapperont de sa main, Savoir, Édom, et Moab, et le principal lieu des enfants de Ammon. Il mettra donc la main sur ces pays-là, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses désirables de l'Égypte, les Libyens et ceux de Chu seront à sa suite. Mais les nouvelles de l'Orient et de l'Aquilon le troubleront, et il sortira avec une grande fureur, pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Et il dressera l'étang de sa maison royale entre les mers, à l'opposite de la noble montagne de la sainteté, mais il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera du secours.